pas suffi dans l'histoire. Tant d'hommes qui ont souffert, tant de survivants sans espoir. Écoute l'écho du passé qui s'amplifie. Entends le futur qui s'enfuit et le mal que l'on sanctifie. Bien sûr, il faut des fautifs et les ancêtres ont bon dos. Les mères berçant, les prochains tirant dans le landau. Nos gosses vendront bientôt de l'armement sous le manteau. Et je m'endors, sachant qu'ouverte est la boîte de Pandore. Les preuves sont reliées dans des beaux livres. La rue entraîne des progénitures au père complètement ivre. Donc, la jeunesse est forcément en mal de vivre. Les habitudes restent ancrées dans les âmes agressives. Ma prose est négative, je teste l'offensive. Je suis pas le seul à sentir que le grand mal arrive. Reproduire les erreurs encore et encore plus fort. Chaque fois nous rapproche de notre sort. On a beau le répéter, est-ce que c'est l'ignorance qui nous écarte d'un monde en paix? Certes, oui, à l'évidence, des guerres de territoire aux guerres de religion, en passant par des batailles idéologiques dans les nations. Ça ne fait pas reculer le chômage ni réduire les dépressions. C'est pas une invention, juste un recueil d'impressions. C'est ce qu'on retient de l'histoire, enfin de ceux qui la font. Peut-on en déduire que l'homme est fondamentalement con? Tant de morts, tant de stats, et ils continuent de se battre en cœur, sur le front, dans les stades. Les générations héritent de leur rancœur et apprennent par cœur, sans aucun mérite, des centaines de dates. Un coup d'état, un seul homme prend les pouvoirs et ses actes prouvent qu'avec l'idiotie il a signé un pacte. Les projets sont en place sans mesurer l'impact. Dire qu'on a persécuté des religions et des blacks, c'est la vérité. C'est ce que l'on t'apprend en cours. Et si ça te choque pas, c'est peut-être parce que t'as la mémoire courte. Des premiers chrétiens aux hérétiques, de l'esclavagisme aux juifs, des protestants aux sexistes, et dans la liste un génocide. Les animaux n'ont pas ce problème et ils s'en foutent pas mal. Ça doit faire marrer les aliens, mais nous on trouve ça normal. Alors comment veux-tu que ça aille avec ce lourd passif? Le bien se conjugue au conditionnel et le mal à l'impératif. Oppression, esclavagisme, persécution, hostilité, fanatique, despotisme, extrémisme, racisme, bêtise humaine, fascisme, dictature, tyrannie, démagogie, capitalisme, génocide, holocauste, oppression, esclavagisme, persécution, hostilité, fanatique, despotisme, extrémisme, racisme, bêtise humaine.